Le silence tombe. Ryderski se lève. Je suis pas ici pour plaider, je suis ici pour que le monde entende. J'ai streamé sans masque, j'ai parlé sans filtre, j'ai vécu chaque pixel comme un feu sacré. Et maintenant vous me jugez. Writer's Kill, tu es appelé. J'ai pas de mal. Je suis Ryderski. Il a tenu quand les autres ont fui. Tu as raillé, tu as dominé. Mais Ryderski est vivant.